Hey, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Impact Wrestles. Et aujourd'hui, je suis donc avec beaucoup de partenaires, en fait, les habitués de la TNA. Alors on est 5, je suis donc avec 4 personnes. Je vais présenter Vincent. Salut Vincent. Bonjour tout le monde, alors je vais tout de suite faire mon petit scandale. Gusma évincé du dernier Sunday Night Wrestles. Non, je ne t'ai pas évincé, tu n'étais Si, pas si, si, si. disponible. Ce n'est pas pareil. Quand on Et moi annonce la donc? date d'un enregistrement la veille, je trouve que c'est une façon de lâcher des personnes. Donc, avec vous aussi, on s'est arrangé. Donc, comme générique d'intro, vous aurez le thème de TNA No Surrender. Par contre, en jingle, vous aurez Andy Cordy. Et à la fin, vous aurez Gus qui chante Pokémon. Oh putain, Ah, salaud! ne pas manquer, ça va garantir un succès là, je C'est vous dis, ne manquez ma pas ça. petite vengeance. Et Salaud! je prépare des C'est The Voice, hein. je prépare des trucs pour l'épisode spécial de Night of Champions. Salaud! Merde! Mais Bruce T, tiens, qui est là? L'autre salaud! Salut! Salut, salut tout le Tu fais... monde, oui, de retour de l'été, mine de rien, ça faisait un petit moment. De retour, Bruce T qui a réglé ses problèmes personnels, on est bien content. MP Ouais, là. si on veut. Bon, enfin, bon, on verra. Enfin, quelque sorte. Ça va mieux que tout que là, qu'il y a un mois. Faire ça comme ça. Oui. MP là. Eh oui, je suis là sur un nouveau PC, tout neuf, tout iMac. frais. On aime les iMac, eh oui, ça fonctionne très bien. Et le dernier, c'est Sébastien. Salut Seb. Salut tout le monde, et toujours fidèle à Impact Wrestles, moi. Hein. Depuis, je crois, depuis les débuts du podcast, hein, t'es là. Quasiment. Ça n'a pas raté, hein, je crois. J'en ai pas en tête non plus. Hein. Moi non plus, moi j'en ai raté plein. Ah Allez, on va vous parler bien évidemment de No Surrender qui a eu lieu dimanche dernier. Et on vous parlera vite fait des Knockouts qui ont le roster complètement diminué ces derniers temps. Et peut-être, si on a le temps, de Devon et de Bully Ray. Un a décidé de prolonger, c'est Bully Ray. Et l'autre, Devon, a décidé de ne pas prolonger son contrat parce que le programme est alléchant. Messieurs. Oui, avec les no pardon, allez knockout toujours. Toujours. Quand c'est Gus qui Les chats, oui. J'ai appris il y a 2 jours que Velvet Sky a été parti. Je suis dégoûté. On dirait T'es en Velvet Sky. retard, toi. Et je suis très en retard. Allô, jingle Annie Cordy en attendant. Jingle Annie Cordy. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire du buzz? Je peux bien. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitier, la vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable, qui est un bon diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Allez, c'est parti, on va passer donc à ce premier match, y compris pour les 23 Glory Series. C'était un match demi-finale opposant Jeff Hardy à Samoa Joe et victoire du drogué en 12 minutes et 35 secondes, messieurs. Jeff Hardy, non mais. Oh, faut faire table rase du passé parfois, Gus. Non, non, mais je me tiens. Je sais bien que t'as plus vu la TNA depuis 2011. Non, mais je. Non, arrête, j'ai vu. Ça, là, tu es mauvaise langue, j'ai vu le pay-per-view avant No Surrender, d'ailleurs j'ai oublié c'était lequel. Ah d'accord. Tellement ça m'a pas marqué. Hardcore Justice alors. Si c'était ça, c'était Hardcore Justice. Ah, bon c'est bien, c'était pour vérifier. Ouais, j'ai pas envie de donner mon avis en premier en fait. L'avis de MP, tiens, qui va débuter. Bon bah comme je suis le premier à parler, je vais peut-être défendre ce pay-per-view pendant cet épisode d'Impact Wrestling, mais j'ai trouvé ça, quand même ce pay-per-view... assez bon et ce match-là quand même un peu démontré la qualité de ce pay-per-view avec bon match en partant de ce pay-per-view justement en opener avec Joe et Hardy qui ont fait un deuxième match en quand même quelques jours parce qu'ils s'étaient affrontés à Impact Wrestling quelques jours avant. Donc un deuxième match qui s'est un peu différencié du premier qui a été aussi très bon. Donc un peu dommage qu'ils n'ont pas autant travaillé la blessure de Samoa Joe au bras, mais c'est quand même, ça fait un match agréable de, je crois, 12 minutes, le temps officiel, mais. Oui, c'est ça. Un peu plus de 12 minutes, c'est ça. Ouais. 12 minutes 30, donc, je crois. Un bon temps d'expression pour un opener et ça donnait des bons résultats quand même avec Jeff Hardy qui a avancé dans ses Bound for Glory Series. Ouais. Là, alors là, forcément, je vais être pas du tout d'accord avec toi. Faut être honnête. Dire que le match est bon, ouais, mais c'est la qualité minimum, je dirais quand même. Hein. Parce que ça fait plaisir de voir. Enfin, moi, j'ai trouvé que Samoa Joe, en tout cas, la première partie du combat, il mène. La deuxième partie, un peu moins, c'est plus Jeff Hardy, mais alors, ça n'a rien à voir avec jeudi dernier, quoi. C'est très différent. J'ai pas du tout aimé, quoi. Puis ça finit par roll-up, alors ça je déteste toujours quand ça finit comme ça au départ. Moi bon, je sais bien qu'il ne pouvait pas faire autrement, parce que bon, après avoir fini Hardy, il ne pouvait pas finir sur un tombé, ni une soumission, ça fait gros, mais c'est vrai que ça manquait de jus, ça économisait Jeff Hardy, je sais pas, j'ai pas trop aimé, ça a joué à l'économie. Puis ça me déçoit un petit peu aussi, bon c'est personnel, mais j'ai rien contre Jeff Hardy, mais c'est juste que je sentais que ça serait l'année Samoa Joe à bah non. Non, mais moi, je voyais pas Samoa Joe gagner, franchement. J'y croyais, moi, perso, mais bon. C'est pas une si grande star à la TNA, malheureusement. Non, mais cette année, quand même, champion par équipe, qui fait de non, très bonnes figurations, de très bons matchs, il assure vachement, quand même. Champion par équipe, ça veut rien dire, quoi. Ouais, mais déjà, il y a le changement, il y a plus de confiance. Il a même des champions par équipe ceinture au Japon, bon, ça veut rien dire. Surtout que c'est encore Magnus, mais... Mais certes, mais bon, quand même, je sais pas, il y a une bonne réussite. Il y a quand même l'adhésion des fans. Même si là, c'était très en faveur de Fardy, c'est vrai, mais bon, quand même. Bon, enfin, bon, après, ça obéit à une certaine logique, évidemment. Enfin. Ce qui est dommage, quand même, c'est que Samoa Joe, il est quand même sur une grosse pente ascendante depuis la perte de ses titres par équipe. Je crois qu'il a perdu tous les matchs qu'il a eu en pay-per-view depuis. Et là, on l'a aussi vu qu'il a perdu à Impact contre Jeff Hardy d'ailleurs, et il a même abandonné. Et il perd après 4 jours après encore contre Jeff Hardy. Donc ça fait vraiment une série de défaites frustrantes pour Joe. Moi, je suis un grand fan de lui et ça me fait toujours chier de le voir perdre. Mais ouais, comme on l'a vu par la suite, cette victoire de Jeff Hardy va le propulser au sommet, j'ai envie de dire. Donc c'est bien pour lui, mais dommage que ça se fasse au détriment de Joe. Mais je crois pas que Samoa Joe va sortir. Un mauvais état de ces bonnes Glory Series parce qu'il était quand même bien placé. Il était un des meneurs, je pense même qu'il a été le meneur pendant un petit bout de temps, pendant que Storm a été deuxième un peu aussi au début. Je pense qu'il y a une bonne position dans ce Bound for Glory Series. Il est arrivé dans le 4 premier, donc je crois que c'est quand même pas mal de l'avoir avec cette bonne place-là dans le Bound for Glory Series. Je pense qu'il va bien sortir de ça. Ben je vois pas comment il peut rebondir. Revenir vers l'ex-division, ça me semble pas possible. Parce que clairement, il est pas vraiment du même niveau que les Ion et autres. Je sais pas. Après, la TNA, faut voir comment il faut rebondir en catcher. Ils ont beaucoup de mal à faire ça en général. Alors, ils avaient tellement poussé Crimson haut. Bon, ça, c'est pas pareil. Je sais, je compare mauvais. Mais c'est en attendant, c'est le mec qui a feudé avec Samoa Joe avant. Bon. Mais disons que la TNA a du mal à enchaîner des fois les catcheurs qu'elle veut pousser. Et puis d'un coup, il retombe. Du genre Anderson, bah, il est pas là. C'est pas trop. Il y a des fois l'utilisation des catcheurs. C'est pour ça qu'on veut les voir réussir quand même. On peut penser par contre qu'il peut feuder avec Magnus. Ouais, c'est moyennement en balance, mais enfin bon. C'est sûr qu'ils n'auront pas une grande place probablement à Bound for Glory, mais après ça on peut voir si c'est une feud qui s'en va pour plusieurs mois ou peut-être justement que ça pourrait donner une bonne place à Magnus en solo, je l'espère en tout cas. Ouais, bon ça on verra après. Bon. Vincent, l'avis sur le match. T'en veux toujours à Jeff Hardy, Gus? Oh, bah ça éternellement. Merci, hein. Ah oui, non, mais c'est une éternelle, c'est une éternelle réponse qui sera oui. C'est ah, comme pas. Moi, par exemple, tant qu'il aura... le voir dans un main event éternellement, voilà, c'est pareil. Tant qu'il n'aura pas fait d'excuses publiques, de vraies excuses publiques hors storyline, ce sera où Comment ça, attends, non. Mais comment tu sais ça, attends, là. Non, mais qui les a déjà fait, les excuses publiques, je suis désolé. Et hors storyline. D'ailleurs, c'était pas du tout de la story. Hein. C'était vraiment du réel là, que la TNA a fait quand même, quand il était revenu tout. Hein. Ouais, mais bon, c'est devenu physique avec Jeff Hardy. Et ben, je t'avoue que je t'avoue que je ressens la même chose pour toi. J'attends des excuses publiques. Alors, ce match, je suis d'accord avec vous, j'ai trouvé moyen. Surtout qu'il y a deux catchers là, avec Samoa Joe et Jeff Hardy, on aurait pu avoir beaucoup mieux. Là, on nous a donné un bon match, mais sans plus, quoi. J'ai pas réussi à vraiment rentrer dedans, quoi. Et puis. Ouais, mais après, c'est vrai que là, je reviens. Voilà, et puis tu vas sans doute enchaîner après sur ça, je pense. Puis comme tu le disais sur le forum, c'est aussi l'idée de faire le même match 3 jours après. C'est un peu chaud, ça, quand même. Hein. Ouais. Mais il y avait quand même une rivalité qui s'est un peu développée. C'est ça que j'ai bien aimé aussi. Pas juste dans le cadre des Barclays Series, mais un peu. Ouais, mais certes, mais quand tu mets la barre haut, parce que en match à Impact, j'ai vraiment trouvé très bon. À partir de là. C'est dur après. Non, mais c'est comme par exemple, c'est Sébastien qui disait ça. Je sais plus pour quel pay-per-view, mais du genre la semaine d'après, on avait un rematch dans le show TNA Explosion, qui est le petit show genre Superstars, mais diffusé qu'en Grande-Bretagne. Donc je vois pas trop l'intérêt de faire un match en pay-per-view, alors que les gens peuvent très bien le voir gratuitement la semaine d'après, quoi. Ils ont quand même bien varié leurs moves, leurs counters. Ouais, non, match, mais je dis pas que le match était mauvais, mais c'est juste qu'avec les catcheurs dans le ring, on a pu avoir un très bon match, pardon. Mais là, voilà, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et puis bon, voilà aussi, la victoire par roll-up, surtout dans un... Ah, ça s'est fini en roll-up ? Oui. Oui, bah... Encore plus scandaleux. Vu ce qui écoute ce que je dis, c'est bien. Oui, bah oui, c'est un beau patron. Hein. Ouais, il paye même pas, alors. En même temps, je veux dire... Le mec du Facebook, pas pareil. La victoire par roll-up, mais je n'aime pas vraiment parce que c'était un match qui était quand même bien disputé. Moi, dans cette situation, ça ne me dérange pas tellement. Je veux dire, un roll-up, de temps en temps, c'est correct tant que ça ne devient pas le finish officiel. Oui, mais quand tu regardes, on va en parler tout à l'heure, mais il y a eu 2 matchs, les 2 demi-finales du tournoi. Aucune des deux s'est fini de façon claire. Non, mais la 2e demi-finale, on va en parler justement, ça sert à bien développer une storyline, donc j'ai aucun problème avec ça, moi. Non, moi non plus, j'ai pas de problème avec la fin de l'autre match, mais celui-là, j'aurais voulu voir un match avec une fin claire, simplement. C'est une fin claire, il n'y a aucune tricherie, il y a juste un roll-up. Non, mais pour moi, mieux travailler, quoi, la fin. Ah, mais pour moi, le roll-up, c'est une victoire au rabais, quoi, c'est pas une vraie victoire, donc... Pour moi, c'est une vraie victoire parce que justement, c'est un match qui était très bien disputé, qui allait de chaque côté justement, et Jeff Hardy a réussi à gagner de cette façon. Pour moi, c'est normal qu'il y ait des matchs qui se terminent comme ça. J'ai aucun problème avec ça personnellement. Donc, moi, je suis satisfait de cette fin. Oui, j'allais donc passer à la suite avec le second match de ce pay-per-view qui était donc la seconde demi-finale des Bonfire Glory Series entre Bulgari et James Storm. Alors, ça a duré exactement 13 minutes et 50 secondes, et c'est Bouliri qui a vaincu James Storm. Alors, j'ai demandé à Brusty de commencer. Ouais, bon, ben alors, là, je vais pas être non plus hyper tendre, c'est uniquement par rapport au contenu du match et pas la fin. La fin, je la trouve normale, ça débouche donc vers la rivalité Bobby Roode contre James Storm. Bon, ben s'ils s'affrontaient pas pour le titre à Bound for Glory, du coup, fallait bien qu'ils s'affrontent pour autre chose. Donc, à partir de là, Storm s'est cramé. Donc les Bound for Glory Series, même s'il aura quasi tout mené de bout en bout. Mais bon, c'est pas le jeu en même temps. Le premier, c'est au bout, quoi. Mais dans le contenu du match, il y a eu ces histoires. J'ai pas trop compris. James Storm qui a quelques attitudes de heel. D'ailleurs, ça me fait penser que Jeff Hardy, au match précédent, au tout début du match, il sort du ring, un moment pour se reposer un petit peu d'un bras endolori. Ça, c'est... Typiquement, ça m'a un petit peu surpris de la part de Face des comportements pareils. Et je sais pas, il y avait d'autres choses à faire. J'ai trouvé plus lent que je pensais. C'était lent, quoi. C'est ça qui m'a dérangé. Le rythme était là. Surtout, le match a été booké par Vince Russo, j'ai l'impression. Hein, parce que quand tu vois le nombre d'interventions, d'arbitres qui se prennent... Earl Hebner. Oh là là, oui. J'ai l'impression que c'est des mois de frustration qui se sont regroupés dans ce match-là. Ils ont lâché tout dans ce match. Ah oui, Earl Hebner qui vient se remettre dans le coin pour Pils s'attraper Bouliré. Ça, c'était ridicule. Quand tu vois aussi à la fin, ce qui est ridicule, c'est que tu vois l'arbitre taper le compte de 3. Et il est en train de frapper sur les débris de verre subis suite à l'attaque de Bobby Roode. Donc logiquement, si t'es un arbitre et que tu vois ça, tu fais pas le compte. D'ailleurs, il s'est un peu retourné avant que Roode s'en aille du ring, donc faisait un truc hyper réaliste, déjà en partant. Et oui, j'ai pas d'ailleurs tout compris pourquoi ils ont fait tout ce finish un peu... je sais pas, il y a eu un autre arbitre qui est venu. Justement, ils auraient pu juste faire un retenir qui aurait pu être atteint par une attaque d'un des catcheurs et finalement... Wood aurait pu juste intervenir à place de. Je crois qu'il y a eu comme trois attaques contre les arbitres, finalement. Il y avait un peu trop d'overbooking dans ce match-là, malheureusement, mais je pense que ça. Aussi au début du match, je pense que ça a pris un peu de temps, un peu trop de temps avant de marquer dans la rencontre avec ces interventions-là que Bouliré à l'extérieur et tout jouer avec la foule. C'est peut-être un peu trop long et un peu trop comédie pour un match de Fleury Series qui est très important normalement. Donc, c'est un petit point négatif de ce côté-là. Alors, Vincent, t'as pensé quoi du booking du match? Ouais, pareil, c'est du tout match quoi. Et puis, c'est pareil, Storm qui crache la figure de Bouliré, qui met il y a un moment Bouliré dans le coin, il donne des droites sur le crâne de Storm. T'as Storm qui lui donne un coup de poing dans l'abdomen, un coup de boule dans les couilles, et qui lui fait une powerbomb. Bon, la powerbomb est super, mais donner un coup de boule dans les couilles, c'est plus heal qu'autre chose, quoi. Voilà, quoi, je trouve que ça a été mal géré. Et c'est dommage, hein, parce que Bully Ray et James Storm, individuellement, c'est quand même, pour moi, les deux des meilleurs catcheurs à la TNA, mais je crois qu'ils n'ont pas de cohésion ensemble, et ça s'est vu dans ce match, c'était pas bon, tout simplement. Et mine de rien, d'une sur l'autre, ça fait la même chose, et quasi à l'arrivée. Sauf qu'il n'y avait pas Bobby Roode dans le coup, mais sinon c'est à peu près la même fin de match. Bon, avec moins d'imbécilité de la TNA de 2011 de retour, mais sinon voilà. Bon, on peut passer peut-être au prochain match. Ce que j'allais vous proposer, on va passer au match suivant, le match des Knockout Title Match entre Miss Testmacher, la championne en titre, contre Tara. Le match a duré 6 minutes et 45 secondes et Miss Testmacher a remporté ce combat. Messieurs, que dire? Est-ce que c'était mieux que le match d'Hardcore Justice? Vincent, tiens. Bah oui, beaucoup mieux, parce que bon, Hardcore Justice, déjà, il y avait Madison Rayne, donc c'est pas vraiment le même niveau par rapport à Tara. Et puis c'est surtout que là, il y avait une rivalité plaisante à voir, même si c'est une rivalité très classique. Pour un coup, c'était plaisant à voir. Puis, alors comme j'ai dit dans ma review sur Voxcatch, vous pouvez encore lire, le match était assez court, 6 minutes et des patates. Mais en même temps, Miss Testmacher, sur la durée, je sais pas si ça aurait été de si bonne facture. Donc, un bon match. Après, encore une victoire pour All-Up. Mais là, après, c'est peut-être aussi pour construire un match pour Bonfleury. Donc, à la limite, je peux comprendre. Mais sinon, ouais, vraiment un bon match. Par contre, Tara, la prochaine fois, mets un string un petit peu plus large, s'il te plaît. Faut que je télécharge le shoring pour ça, en fait. Sébastien. Bah moi j'ai plutôt apprécié le combat parce qu'en général je suis plutôt fan des combats prof contre élève parce que Tara c'était la mentor de Testmacher pendant plusieurs mois et donc ça se prononce Testmacher. Testmacher oui. En oh, merde. Il sera pour la suite. Testmacher. Oui c'est comme le pacemaker, c'est Testmacher. Voilà. D'accord. Désolé Sébastien de t'avoir. Qui était Brooke d'ailleurs qui est redevenu Miss avec Brooke Hogan. Enfin bon ça aussi. Et moi j'ai l'impression qu'on prépare un heel turn pour Tara qui interviendra sûrement à Bound for Glory. Et je pense qu'elle chopera le titre au prochain pay-per-view en faisant un heel turn. D'accord. MP. J'ai aussi aimé ce match. Je suis un peu comme Sébastien, j'aime bien la situation prof contre élève. Et aussi je pense que malgré que c'est quand même une durée assez courte. Ce match, quoi, 6 minutes environ, donc... 6 minutes et 45 secondes. Pas un gros temps d'expression, mais quand même, je pense qu'ils se sont bien débrouillés avec aussi une bonne introduction, un peu une bonne phase de chain wrestling un peu au début, donc ça, c'est bien déroulé. À la fin, ça s'est c'est un peu gâté. Il y a eu quelques botches, un peu, mais ça, c'est quand même... C'est un match de qualité, on voit qu'il y a une chimie entre Brooke et Tara. Je pense qu'ils ont aussi très bien ensemble comme tech team, donc ça paraît un peu. Mais voilà, c'est un bon match de knockout, comme j'avais dit aussi sous mes réactions un peu sur Skype, dont ça parlait l'autre fois de No Surrender. Donc ouais, c'était un bon match de knockout. Selon moi, un des meilleurs matchs knockout de 2012 quand même, donc ça dit un peu la qualité. Ouh! Et Blousty! Oh bah, l'année 2012 a pas dû être terrible alors. Hein. Non mais enfin il est pas mauvais en soi-même le match mais quand même. Waouh. Bon, d'accord, ça fait depuis un petit moment. C'est vrai qu'il n'y a pas de bon match, j'avoue, de knockout. Et que, bon, là, ça, c'est vrai que ça a tendance à assurer, remarque, pas mal. Bon. Mais le problème, c'est que aussi, ça révèle, ce match a révélé quand même de grosses limites en Corée de Misty Smacker. Déjà, la dernière fois, sa challengeuse Madison Rayne a montré beaucoup plus qu'elle. Là encore, bon, ben, je sais que c'est bien le truc prof élève, mais voilà, il n'y avait pas photo, quoi. On l'a bien vu, hein. Tara, du haut de son énorme expérience, il n'y a pas eu de problème, quoi. Elle était nettement supérieure, ça s'est vu. C'est elle qui a fait la seule vraie tentative de tomber au passage avec le side slam. Sinon, Tess Macker, qu'est-ce qu'elle a tenté? Roll up, roll up, roll up, roll up. Comme il disait Vincent, je crois, c'est Kelly Kelly style. Carrément, non. Mais... Donc à partir de là, pour une championne knockout, c'est un peu inquiétant quand même, et surtout avec les Gail Kim, Mickey James, Tara qui a dans le coin, qui sont meilleurs qu'elle. Faut qu'elle progresse un peu. Et certes, la petite partie technique, c'est vrai qu'elle a fait la moitié du match, elle était sympa, mais dès qu'il faut sortir de la phase au sol, c'est beaucoup moins efficace d'un coup, je trouve. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Enfin. C'est quand même bien amélioré depuis début de ses débuts un peu de. Oui, au début on part de rien quoi. C'est comme Caitlyn à la WWE quoi. Je dirais elle a quand même un niveau acceptable. C'est pas mauvais quand même ce qu'elle montre. Ben, uniquement sur les basiques au sol, c'est ça en fait. D'une knockout, on attend un peu notre genre aussi. Parce qu'une knockout, elle peut pas faire que du catch au sol. Là. Faut qu'elle fasse autre chose. Surtout qu'elle a pas de vrai facile. Si elle a un finish, mais voilà quoi. Non, enfin, je sais même pas si elle a un finish. Si, elle a un finish. Bah, le face-plant. Oui, voilà. Il y avait une époque où elle pompait le finish de Gail Kim, donc bon. Ah oui, mais ça c'était pas là, ça l'avait été avec Gail Kim. Elle l'a enlevé de son moveset depuis ce temps-là. Donc, c'est un peu limité, oui, mais je veux dire. C'est pas désastreux. Il y a des trucs à faire quand même avec ça, avec ses capacités de catcheuse. C'est pas désastreux, mais on passe quand même chaque fois à 2-3 botches dans le match. Ça, c'est une récurrente à chaque fois. Ben, c'est ça le problème, oui. Mais en même temps, ça, bien sûr, ça vient toujours d'elle en plus, jamais de l'adversaire. Hein. Mais en même temps, j'ai envie de dire, quand on regarde un petit peu, enfin, on peut faire le débat tout de suite, quand on regarde un petit peu le roster de la TNA. C'est que des catcheuses qu'on a déjà vues, quoi. Mickey James. On en reparlera tout à l'heure. Oui, bon, on en reparlera tout à l'heure, alors. On en reparlera tout à l'heure, parce que c'est vraiment la brève qu'on va finir là-dessus tout à l'heure. Je vous propose de passer au segment suivant ou au match suivant. Je sais pas trop si c'était un match, en fait. Oh, c'est pas un brawl, quoi. Enfin, un bagarre. Fight. Une grosse bagarre, d'accord. Donc, pas de jury, rien du tout. C'était un gros segment, plutôt... Entre Austin Aries et les deux S de 8, c'est ça? Alors, Aces and Eights. Oui, et le membre costaud des Aces and Eights. Ouais. Donc c'est un groupe en fait basé sur les cartes. Oui, je pense que oui. Je les appelle deux S de 8 parce que c'est Célian Varini qui m'a donné le virus quand j'ai regardé un Impact en français il n'y a pas très longtemps. Donc du coup, ça sera deux S de 8 pour moi. Donc qu'est-ce qui s'est passé, messieurs, pendant ce petit interlude? Pouvez-vous nous expliquer un peu? Ceux qui n'ont pas vu le pay-per-view. Oh bah en gros, Bruce T. Si vous avez vu Impact 3 jours avant, vous savez un petit peu ce qui s'est passé du dénouement du brawl. Mais c'est-à-dire qu'Austin Aries, il a fini par mettre KO le membre costaud des Aces and Eights, pardon. Ça dépend les rumeurs, Mike Knox ou Luke Gallows, ça dépend selon les avis. Et comme je dis, en fait, il a essayé de le démasquer et c'est à ce moment-là que les autres membres des Aces and Eights ont débarqué et sont venus un petit peu s'acharner sur Aries. Donc, et puis, d'un coup, il y a plusieurs membres du roster de la TNA qui ont accouru, qui ont viré les Aces and Eights. Dis comme moi, je dis. Oui. Dis les deux As de 8 du ring. Et bon, Jeff Hardy, c'est pas trop qu'il s'y foutait en dehors du ring. Il y a un membre des deux As de 8 qui l'a envoyé s'encastrer contre un poteau. Et voilà, pour résumer. Bon, sinon, le brawl était vraiment de très bonne qualité, faut être honnête. C'est limite le meilleur match du pay-per-view, en fait. Ah d'accord, excuse-moi. Non, je déconne un peu, il y en a un autre qui est meilleur, mais... En même temps, Austin Aries is God, donc... Par contre, c'est bizarre parce que ça fait quand même CM Punk là, cette fois-ci. C'est-à-dire que le champion de la fédération, il est en plein milieu du show. En même temps, la ceinture est peut-être pas en jeu. Mais en même temps, si vous voulez faire. On va pas finir sur un gros brawl et pas sur un. Enfin, on va pas finir un peu paru sur un non-match, quoi. Et surtout si le titre. C'est sûr, mais le mettre en plein milieu du show, c'est... ça veut dire qu'il y a encore 4 matchs après. C'est... Mais j'ai envie de dire en même temps, si vous voulez mettre un truc avec la blessure de Hardy, il fallait pas le faire à la fin du show, quoi. Sinon, ça aurait été un petit peu. Juste pour vendre la blessure pour le match de la finale. Ouais, bon, à l'arrivée, voilà, mais c'est ça, oui. Bon, ben, à l'arrivée, ça aurait été un prétexte de faire d'Hardy un héroïque, en quelque sorte, d'accord. Ouais, ben, oui. Non, mais après, ça, je suis d'accord avec toi. Oui, non, mais c'est ça le problème. Après, on en revient au point zéro de, voilà, par rapport à l'impact précédent, quoi. C'est quand même été bien. Comment était bien fait, je trouve, cette mise en scène avec Jeff Hardy, bon, les segments avec Angle, pas avec Angle, mais avec Hogan et les policiers, c'était un peu moins, mais... Ah oui, bah, il y avait la musique du jeu. Il y avait la musique de Scott Steiner, d'ailleurs. Ouais, oh, bah oui, il est remarqué. N'empêche, les gens de Floride, ils payent pour leurs impôts pour que les flics, ils aillent aider Hulk Hogan. On sort de Hulk Hogan, ça aussi. TNA Styles. Avec les flics, enfin WWE, enfin, pardon. La WWE aussi, la oui, fait oui, très oui. Ah oui, parce c'est vrai qu'il faut préciser. Il y a très longtemps, ouais. Pas très longtemps aussi. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais plutôt dans le show, il y a déjà les flics qui sont intervenus une première fois pour menoter Bobby Roode sur ordre du gars. Maintenant, quand t'as qu'un catcheur, t'es menotté, t'es entendu. C'est n'importe quoi. Bon, messieurs, est-ce qu'on peut passer au match suivant, parce que directement, c'est un match. C'est vrai, ce n'était pas un match, c'était un brawl pour Sébastien. J'ai dit match parce que le contenu pouvait ressembler à un match, mais il n'y avait pas d'arbitre, il n'y avait pas de cloche. Il n'y a pas de tombée. Allez, c'est parti. On va donc passer au match pour le X-Division Championship entre Zima Ayon et le mec qui a un prénom imprononçable, c'est Sanjay Dutt. Sanjay Dutt, c'est facile. Sanjay Dutt, ah pardon. Je croyais que le Y se prononçait « I ». Le match a duré 10 minutes et 40 secondes et Zima Ayon a bel évidemment conservé son titre. Messieurs, est-ce que il semble... Alors, d'après ce que je vous ai lu sur le forum, d'après ce que j'ai pu lire, c'est le show-stealer du show, c'est ça? Bah, le problème, c'est que c'est un très beau match, mais il n'y a aucune réaction du public. Le public en a rien, ça, oui. Mais alors rien n'a branlé. C'était gênant d'ailleurs. Comme moi avec cette diversité en fait. Pas d'agent qui enregistre ça. Mais pourquoi ça se comprend, Sébastien? Ça se comprend parce que, tout simplement parce qu'il n'y a aucune seconde de build-up pour ce match. Le match a été placé à la dernière seconde et on n'a pas vu Zima Ayon et Sanjay Dutt pendant un mois à Impact. Donc c'est difficile de plonger dans l'histoire en tant que spectateur. En fait, le seul build-up que ce match était Destination X quand Sanjay Dutt s'est, pas vraiment fracturé l'épaule, là, mais. Déplacer, je sais pas comment dire ça, mais déboîter, ouais. Déboîter les poules. Déboîter, voilà. Ouais. Donc voilà, c'est. Il est revenu dans le match ensuite et tout. Ouais. Et ils ont fait passer ça suite à un aspergage de spray, oui, par Zima Ayon, oui. Ouais, il y a aussi ça pour. Zima Ayon a remporté le titre de cette façon Destination X après avoir utilisé son fixatif sur Sanjay Dutt. Donc voilà. C'est un peu l'histoire de ce match, mais qui n'avait pas été mentionné depuis, je dirais, 2 mois. Donc, ça a été mal fait de ce côté-là. Sanjay Dutt, on n'avait pas eu des nouvelles depuis longtemps. Donc. Oui, d'ailleurs, quand tu suis les shows de la TNA, jusqu'à No Surrender, tu n'entends jamais parler de Sanjay Dutt, il faut être clair. Hein. Ouais. Il n'est même pas sur la page officielle du roster de la TNA. Oui. Donc. Ah, et du dynamisme. Ah, voilà, oui. D'accord. Il est pas sur la page officielle. Ouais, mais ça, alors là. Non, mais ça, le site de la TNA, il est bizarre parce que d'un coup, t'as Sarita qui disparaît, qui réapparaît. T'as les mecs qui sont plus là depuis 3 mois qui sont encore. Trop quoi. Alors, donc, voilà. Bon, il faut relancer là. Oui, bah, oui parce que moi, je veux parler du match quand même un petit peu parce que. Et ouais, de la fin, alors, comment ça se finit. On vient d'avoir un bug assez mémorable. Donc, on va relancer Bruce qui veut parler de ce combat. Bah, le match, il est pas mal, hein. Il est pas exceptionnel, mais il est pas mal. C'est surtout du fait de deux choses. Là, cette fois-ci, celui qui prenait le risque de blessure, c'était Zima Ayon, même si une fois, c'était Sanjay Dutt. Là, à un moment, quand Zima Ayon il sort, que Sanjay Dutt il veut tenter un saut, le truc se réceptionner, ça fait toujours peur. Enfin, c'est là qu'ils se blessent le plus, en général, les catcheurs. Tiens, qu'on est en train de discuter du X Division Championship, est-ce qu'on a des nouvelles de Jesse Sorensen? Est-ce qu'on sait à peu près dans combien de temps il doit revenir, ou alors pas du tout? Bah, ça fera comme la TNA a l'habitude de faire, quoi. Il va surgir d'un coup, hein. On va pas batailler plus loin. Hein. Puis il affrontera Zima Ayon après quand. Oui, voilà. Parce que il va essayer de viser Bound for Glory, mais c'est pas sûr qu'il soit prêt d'ailleurs. Non, non, il sera pas prêt, Jesse Sorensen, pour Bound for Glory, ça c'est sûr. De toute façon, ils avaient dit. Parce que justement, ce qui serait intéressant, parce que Jesse Sorensen s'était blessé, alors je sais plus dans quel show, me demandez pas, justement contre Zima Ayon, d'après mes souvenirs, donc ça pourrait être intéressant. De revoir le match et d'essayer de voir un bon combat cette fois-ci, sans blessure. C'était à Against All Odds, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et de toute façon, ouais. À Destination X, ils avaient dit on se retrouve dans un an. Donc, à mon avis, ils vont essayer de faire retourner à Destination X 2013. Surtout que c'est consacré à la X Division, ce serait parfait. C'est loin, c'est loin. Mais bon, ah oui, mais en même temps, vu la blessure qu'il a eue, on ne peut pas revenir. Oui, oui, oui. Il faut pas le relancer de suite, hein, le pauvre petit. Parfois, ça les effraie pas, arrête de lancer les catchers. Non, mais là, ça, c'est pas n'importe quoi comme blessure. Oui, non, mais c'est vrai qu'ils sont assez vigilants, autant pour moi. Après, là, pour revenir au match, en fait, bon, il y a un truc qui me dérange, il y a un truc qui me dérange pas. Le truc qui me dérange, c'est que pour Zima Ayon, ils veulent pas lui donner un finish spectaculaire pour finir, alors qu'il peut finir sur un truc spectaculaire. Et le truc qui me dérange pas du tout et qui me surprend même, c'est que Zima Ayon, tout heel qu'il est, me semble que c'était aussi comme ça contre Kenny King au précédent pay-per-view, il gagne encore clean, hein, quand même. Hein. Vachement clean, hein. Y a pas de filouterie, y a rien de spécial et il gagne clean, quoi. Y a même pas de roll-up à la fin. J'ai envie de dire ouais, non, je sais pas si pensé, mais je trouve que c'est un champion crédibilisé à ce niveau-là. Il est je suis d'accord, mais le heel ne gagne pas toujours de mauvaise façon. Hein. Le heel mais c'est à noter parce que je peux te dire que la TNA, les heels qui gagnent de façon sale, c'est tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et c'est particulièrement vrai pour Zima Ayon qui, pendant ses premiers mois, il faisait que gagner avec son spray ou alors en roll-up. Donc c'est vrai que ça fait du bien de un petit peu de le voir gagner cleanement. Mais c'est surtout que pour la question du finish, il utilise le Gory Special alors que Chavo est arrivé il y a 2 mois. Je trouve pas ça trop logique. D'ailleurs, le prochain challenger d'Ayon, ça va être Chavo, hein, j'ai pensé. Peut-être je pense pas. Je pense que Chavo, ils vont le laisser dans la catégorie polo. Il y a aussi, dans les finishes de Zima Ayon, il y a aussi le truc. Qu'il frappe la tête de l'adversaire avec son genou. Je sais pas trop comment l'expliquer. Pas le Shining Wizard. Non. Quand il le retourne, genre en back en souplesse arrière, mais en fait il le réceptionne sur le genou. Parce que ça fait quand même un bon finish avec un bon impact et ça visuellement oui, c'est, pourquoi pas, c'est oui, parce beau que... et c'est aussi une prise qui a l'air de faire mal justement. Donc ça c'est pour moi je sais pas. Pourquoi on ne le met pas comme finish? Justement, parce que c'est une prise qui pourrait très bien finir un match sans problème. Donc, oui, il peut même faire aussi le 630 degrés là, en finisher. Mais on le voit très très peu, c'est un move à méga risque, mais ce serait assez énorme ça, s'il pouvait ressortir. J'ai déjà vu le faire en indice, pour ça je dis ça. Grosse prise de risque quand même. C'est pas nécessairement un move. Tu peux sortir tout le temps et que tu veux que le mec... Ah oui, non, ça c'est sûr, oui. Mais je trouve dommage qu'ils aient encore jamais pensé à lui faire utiliser ça à TNA. Bah, déjà... Parce que vous voyez le fort 50 splash, mais 630, évidemment, c'est supérieur encore parce que ça tourne encore plus. Bah, déjà, 450, ça serait pas mal. S'il peut le sortir en coup de temps. Ah oui, ça, il l'avait déjà sorti d'ailleurs, oui, une fois. Oui, une fois, puis il l'avait raté aussi. Il est meilleur à 630, c'est pour ça, 450, c'est passé pour lui. T'as déjà AJ qui le fait. De toute façon, en springboard en plus, donc je crois pas qu'il fasse le 450. Mais... Austin Harris, il le fait pas aussi très rarement aussi. Oui, ça lui arrive, c'est vrai. Donc t'as déjà deux mecs qui font sur le roster. Ouais, non, mais c'est je veux dire, avec les qualités. J'ai direct pareil, mais c'est 130, moi. Alors, messieurs, est-ce que vous voulez passer au match suivant? Bah ouais. Oui. Allez, c'est parti. On veut donc passer au cinquième match de cette soirée. C'était un match entre Magnus et Rob Van Dam. Le match a duré 10 minutes et 5 secondes. Rob Van Dam a remporté ce combat, messieurs. Parole à MP, parole au Canada. Bah, ça fait un match, pour ma part, quand même pas trop mauvais, mais pas extraordinaire. Vraiment, ce match un peu au milieu du pay-per-view qui a été fait à la dernière minute et qui a fait une grosse histoire en ces deux-là. Fait au dernier impact, je crois même, si les autres peuvent me le confirmer. Mais d'après ma mémoire, oui. Donc, voilà, un build-up de dernière seconde, vraiment. Hein. Sorti Magnus du carton qui vient chambrer Rob Van Dam suite à son élimination des Bound for Glory Series, et puis voilà. Donc ouais, c'est pas un gros build-up, mais je trouve que c'est pas un match de qualité pay-per-view, mais je veux dire, ça allait quand même. Il y avait pas de gros défauts à ce match-là. Contre, la foule n'était pas très dedans non plus. Match comme d'une durée correcte, mais rien de pas de gros spot, pas d'histoire à tout casser dans ce match-là. Et je trouve aussi dommage la décision de faire gagner Rob Van Dam qui lui prend sa place de main eventer alors que Magnus lui cherche à monter. Il n'a toujours pas une grande place en solo malheureusement et a réussi à avoir sa bonne place en équipe mais par les années passées avec British Invasion entre autres. Mais voilà, en solo, il se cherche toujours et c'est difficile pour lui. Bon, si. Ben ouais, j'ai un peu le même avis que MP là, mine de rien, sur le match. Bon, après que là, c'était la facette du Rob Van Dam qui est assez chiant parce qu'il a tendance à botcher un peu trop facilement à mon goût. Alors qu'il peut faire meilleur, hein, mais bon, disons que contre Bully Ray, par exemple, 3 jours avant, c'était pas mal. Hein, mais là, ça se voit d'un coup, il y a moins de conviction, c'est le combat dont tout le monde s'en fout. Moi, j'avais tendance à vouloir regarder autre chose, je sais pas, aller sur Internet ou autre, tellement ce combat, il est sorti nulle part. Et puis en plus, il n'est pas rendu vivant, parce que Magnus n'y met pas assez de rythme dans sa domination quand même des deux tiers, voire trois quarts du match. Et Van Damme, il n'émet pas une grande conviction dans ses moves. Lui, on le sent tout de suite, évidemment, et son style, quand il est impliqué ou pas. Et attends, ça ne va pas être beaucoup impliqué, d'ailleurs, depuis pas mal de temps à TNA. Ça va être débat. Mais après, c'est vrai que concernant sa victoire, c'est assez curieux, mais c'est un autre truc, que TNA ne sait pas comment utiliser Van Damme depuis un sacré bout de temps, quand même. Et, c'est pas trop quoi faire avec lui. C'est une tête d'affiche, évidemment, avec son passé, mais il peut plus être aussi haut, il peut pas être aussi bas. Et faut bien qu'il gagne de temps en temps. Bah voilà, on lui met un mec qui revient de nulle part, quoi. Même si c'est le chouchou Dixie Carter, Magnus y perd. Ouais. Donc, bon, je trouve assez curieux. Bon, c'est bouche-trou, sorti nulle part. Fallait meubler 10 minutes. Voilà. Sébastien. Pour moi, ce match, il n'avait d'intérêt que si Magnus remportait le combat. Parce que ça aurait permis de le monter un petit peu, Magnus, de le montrer comme une véritable menace, puisqu'il se dirige apparemment vers un match contre Samoa Joe à Bound for Glory. Donc c'était l'occasion pour lui de montrer ce qu'il vaut en remportant un match contre une star de la compagnie. Mais là, ce match avec la victoire de Van Damme ne sert vraiment à rien. C'est plutôt, ouais, comme Bruce Lee l'a dit, un bouche-trou. 10 minutes casées dans le pay-per-view et vraiment, pour moi, une des plus grosses erreurs de booking de la soirée. Vincent, un match bien pourri, comme tous ceux de Rob Van Damme depuis un bon moment. Puis en plus, mettre Magnus devant, ben, Magnus n'est pas très expérimenté dans le ring, donc les seuls matchs, enfin la seule expérience qu'il a, c'est en équipe. Donc j'ai pas trop aimé quand Magnus venait. Et j'aimais pas trop non plus quand. J'aimais même pas du tout quand Van Damme menait. Donc c'est un match qui m'a fait chier. Et qui m'a fait chier aussi parce que je savais que il restait plus qu'un match après, alors que bon, c'est un match. Non, il restait deux matchs, pardon. Après, et que. Bah, normalement, dans les trois derniers matchs, c'est trois matchs importants, quoi. Et là, c'est un match qui a été fait à la dernière minute. Oui, voilà. Moi, ce match-là, par exemple, voilà, tout à l'heure, j'en parlais de la place du brawl d'Aris contre le mec des deux As de 8. Et par exemple, le RVD Magnus, il était clairement avant, quoi. C'est très clair. Même le match de X-Division, oui. Il aurait pu être après. Oui, ils auraient pu le placer Ils auraient pu faire un échange entre le X-Div et ce match-là, je suis d'accord. Enfin, vous entendre. Hein. Alors, on va passer au match suivant, si vous êtes d'accord. Ouais, surtout que c'est beaucoup plus rassurant le match d'après. On a un match entre Christopher Daniel et Kazarian et Edge Styles et Kurt Angle. C'était donc pour les TNA Tag Team Championship. Le match a duré 19 minutes et 20 secondes, donc quand même très très très long pour un match d'équipe. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et c'est Christopher Daniel, c'est Kazarian qui ont conservé leur titre par équipe. Messieurs, de parole à Strasbourg, Sébastien. Bah, j'ai envie de faire la comparaison, parce qu'on est vraiment obligé de faire la comparaison avec ce match qu'il y a eu à Slammiversary il y a 2 ou 3 mois. C'est la même affiche, mais le match est moins bon que le premier affrontement. S'il n'y avait pas eu le match de Slammiversary, j'aurais été comblé par ce match. Mais là, je suis obligé de comparer et c'est un petit peu moins bon. Bon, quand même, le match de la soirée, bonne décision de booking de faire gagner Daniels et Kazarian, parce que Styles et Kurt en équipe, alors à ce moment-là de leur carrière, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et apparemment, on se dirige aussi vers un rematch, peut-être sans doute même sûrement à Bound for Glory, et j'espère une petite stipulation ajoutée, et ça pourrait être sympa. Je suis quand même bien d'accord avec Sébastien, je pense qu'on se dirige vers un rematch. Selon moi, Bound for Glory, ça va peut-être finir ce chapitre-là avec Edge Styles, Lucas et Daniel, parce que ça fait quoi, plus d'un an qu'on les voit un peu en rivalité, bon, enfin, pas toujours en rivalité, mais des fois ça stoppait, des fois ça reprenait, donc mais quand même la majorité du temps il y avait une rivalité entre ces trois-là, donc moi je dirais que ça serait la vraie fin finalement de toute cette histoire avec un peu Claire Lynch, donc ces derniers mois en tout cas. Donc voilà, c'était un très bon match, meilleur match de la soirée quand même pour moi. Je pense que tout le monde est pas mal d'accord aussi, un gros match par équipe, et voilà, c'est une bonne nouvelle pour la division par équipe en tout cas, de voir un match comme ça, un gros temps d'expression, donc presque 20 minutes, donc voilà, c'est aussi une grosse équipe hein, avec Edge Styles et Kurt Angle qui j'espère qu'il, même si Sébastien il dit que ces deux-là ont dépassé ce stade à leur carrière, dans leur carrière d'être en équipe, je pense qu'ils avaient quand même une place en attendant une storyline plus importante, d'avoir peut-être une rivalité en équipe avec d'autres personnes que Daniel Zekaz, quand si jamais il gagne les titres, ce que je l'espère avant de Bound for Glory. Ouais, par contre, je sais pas ce qu'il avait bouffé Kurt Angle, mais presque à chaque fois qu'il était dans le ring, c'était pour faire des souplesses, donc peut-être qu'il a pris le restant de drogue de Jeff Hardy, parce qu'on a vu que Oshinami en avait besoin dans son match. Bien, voilà. Bonne attaque. Je te coupe juste, Kurt Angle était blessé à la jambe, c'est pour ça que ça l'a un petit peu limité. Bon, non, mais en tout cas, il a fait de belles souplesses. Bon, j'ai envie de dire comme d'habitude, mais pour un mec blessé, il a délivré. Oui, bah bonne attaque contre Jeff Hardy, mais j'ai envie de dire, en voie d'âme, c'est comme Ted DiBiase, je vais plus le voir. Tiens. Ouais, non, match moins bon que Slammiversary. Après, forcément, vu le niveau du match de Slammiversary, c'était dur. Et puis, c'est peut-être aussi un dernier match avant de sceller la rivalité entre Daniels et Edge à Bound for Glory. Alors, je sais pas quel match. On les a vus dans tout type de match, donc peut-être un triple threat avec Kaz ou un match à stipulation spéciale made in TNA. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut avoir à Bound for Glory? Moi, quelque chose de très différent. Je vais être honnête, j'ai une autre théorie. Vas-y. Disons que, à mon avis, Kurt Angle pourrait être évincé du lot, parce qu'il y a quand même l'histoire avant le pay-per-view dans le build-up, que Edge Styles, c'était lors de l'impact précédent, Hulk Hogan, il nous refaisait son choix là, pendant l'impact des différentes équipes. On avait les Robbie, Chavo Guerrero et Hernandez, Gunner et Kid Cash. Oui, merci. Et ouais, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et puis, il y a Edge Styles qui est arrivé et qui disait « Moi, je suis meilleur que toutes ces autres équipes. » Et Hulk Hogan, après que donc Daniel et Kazarian ils avaient conservé contre Chavo Guerrero et Hernandez lors d'un aussi bon match d'ailleurs, ben, Hulk Hogan il avait dit « D'accord pour Edge Styles contre Daniel et Kazarian, mais je dois lui mettre un mec avec lui. » Donc, c'est pour ça que je mets Kurt Angle. Donc, il se pourrait que là, il y a quelque chose qui rebondisse, à mon avis, sur Karamat et Styles tout seul pour les titres par équipe. Je serais même pas surpris à ce niveau-là, honnêtement. Surtout qu'ils sont dans un build-up qui pourrait achever cette longue rivalité qui, à mon avis, va même aller au-delà de Bound for Glory. Il manque un petit peu de logique à mon sens, mais enfin bon, voilà. À faire justement l'affrontement AJ Styles contre Kazarian et Christopher Daniels, donc ça pourrait arriver dès Bound for Glory pour les titres par équipe, à mon avis. Je sais pas. Non, moi je pense plutôt que AJ et Kurt Angle vont rester en équipe, hein, parce qu'ils ont gagné le match à Slammiversary, là Daniels et Kaz ont remporté le match à No Surrender, donc ça fait un partout, et ce sera le rematch final, je pense, à Bound for Glory. Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que peut-être qu'il y aura une. Alors, il y aura une stipulation. Ah, ça me semble obligatoire. Ouais, par exemple, un match. Vu leur style, ça pourrait être même un TLC. Non, mais un match connu, au c'est meilleur des trois. Dans ce genre de match. Un meilleur. Ouais, ouais. Voilà. Non, mais un TLC avec les profils des mecs, ça peut être vraiment excellent. Ouais, mais un TLC, on a eu un les deux il y a pas longtemps. Avec AJ Styles, Kurt Angle et Daniels. Ouais, mais TLC, pour le gros pay-per-view, ça peut être quelque chose. Hein. Ouais. Enfin, évidemment, ça s'appelle pas TLC à TNA, ça porte notre nom. Hein. Metal, Mayhem, un truc comme ça, je crois. Mais... Parce que TLC, c'est une marque déposée, donc pas de WWE. C'est ça, c'est Metal, Mayhem, ouais. Full Metal, Mayhem. Oui, là, voilà. Je me rappelle, là, j'en ai vu un. Oui, il y a pas... Oui, il y a quelques petits moins, il y en avait eu un, oui. Ouais, non, moi je pense que ça peut être ce match-là. Après, oui, c'est vrai que, alors ce match 19 minutes, c'est sûr qu'à la comparaison, là, comme tu le disais, je crois, Sébastien ou MP aussi peut-être, à la comparaison de l'affrontement d'il y a 2-3 mois, à Slammiversary, c'est vrai que il est un peu moins bon, mais il faut avouer qu'à Slammiversary, il y avait un rythme énorme. Un peu moins de temps d'expression, je crois qu'il y a quand même 5 minutes en moins, donc c'est aussi la contrepartie à mon avis. Quand on fait un match plus long, de faire une construction un peu plus posée, donc ça aussi c'est ce qui m'intéresse pas mal dans un match. Et Kurt Angle, c'est vrai que comme le disait Vincent sur le forum, quand même une performance énorme, surtout qu'au départ il y a quand même beaucoup de doutes qu'il puisse être sur le ring, vu que 5-6 jours avant il s'était quand même blessé. Donc sa blessure d'ailleurs, qui était très apparente, n'était pas du tout feinte, elle était réelle. Donc, mais c'est vrai que lui, ça fait sûrement qu'il a l'habitude de catcher blessé, vu qu'il s'est jamais remis de sa blessure qu'il avait privée des Jeux Olympiques. C'est curieux d'ailleurs, ça. Voilà, qu'il s'en occupe un jour, mais bon, tant qu'il peut tenir, voilà, ça peut donner un bon match. Mais bon, attention quand même à sa santé, moi je dis, bon, ça bon. Alors, monsieur, voilà. Est-ce que vous voulez passer au main event de cette soirée? Je suis d'accord, ouais. Moi. Et moi aussi, je suis d'accord, donc. Ah, ben, c'est une sacrée bonne nouvelle, tout ça. Parce qu'on va passer à un match entre Jeff Hardy, encore lui, et Bully Ray, encore lui, dis donc. Oui, finale des Bound for Glory Series. Finale des Bound for Glory Series, tu m'as enlevé le mot de la bouche, le match a duré 12 minutes et 25 secondes. Et malheureusement pour moi, Jeff Hardy a remporté ce combat. Je suis très déçu. Non, mais c'est... Non, mais c'est le logique du tourniquet, je pense. C'est ouais, non, mais quand je vois les noms qui étaient dans cette liste... Vis-à-vis de Bully Ray, honnêtement, c'est immérité. Faut être honnête, parce que Bully Ray, c'est vrai, comme il le dit lui-même, depuis 18 mois qu'il est tout seul, vraiment, il fait un excellent boulot, faut être honnête. Déjà. In-ring, il a énormément augmenté. Il a stabilisé son finish qui ressemble à RKO, vu que c'est un crusher. Et vraiment, il a encore ajouté de l'impact. Et bon, même si en battant James Storm contre Bond, en demi-finale, il avait cassé cette fameuse série, je crois, de énorme quand même de défaites consécutives en pay-per-view, bah, à l'arrivée, il perd encore à la fin. Et puis alors, on fait un Jeff Hardy affaibli et puis qui retrouve toutes ses aptitudes au dernier moment, tel un Superman, c'est génial. Bon. Admettons, hein. Mais c'est vrai que ce genre de booking, j'aime pas, et c'est symptomatique un peu de ce pay-per-view, mine de rien. Alors, le combat, il reste assez moyen, évidemment. Je voulais juste dire quand même quelque chose à ce propos. Avant, quand même, quand je voyais la liste des participants au Bound for Glory Series, je sais pas pourquoi, mais je voulais de suite revoir AJ Styles en haut. Parce que quand même, AJ Styles, ça fait presque 3 ans maintenant qu'il n'a pas eu de titre. Sur les champions du monde. Ah non, mais ça, on est d'accord. Hein. Il y a des mecs, AJ Styles et Samoa Joe, mais t'as envie de les voir en haut. Hein. C'est obligé. Et on te fait gagner un mec qui a été suspendu pendant je sais pas combien de temps. Je suis d'accord, qui est quand même peut-être plus vendeur que AJ Styles, mais je sais pas, j'arrive pas à pardonner à Jeff Hardy, ça c'est clair et net. Et vraiment, j'aurais préféré voir un AJ Styles contre Austin Harris, un Bound for Glory, et ça aurait été quelque chose d'assez bon, quoi. Oui, mais Gus, j'ai envie de dire, qu'est-ce que Jeff Hardy... Non, mais écoute... Non, mais j'ai pas dit une bonne blague, attends. Qu'est-ce que Jeff Hardy va faire cette année que Ted DiBiase n'a pas fait? Il va participer au plus gros show de l'année. Ah, il a participé à WrestleMania? Bah non, mais Ted DiBiase n'a pas participé à WrestleMania alors que Jeff Hardy... Ah, Jeff Hardy non plus. Bah il va être dans Bound for Glory, c'est le même pour la TNA. Bah Jeff Hardy a jamais participé à un grand match de WrestleMania. Non, mais... Oh là là. Ah oui, non, mais là c'était Gus qui le disait, c'est pour ça que je suis surpris ça. Oui? Ah, j'ai fait tomber ta blague. Oui, voilà, non, mais c'est pas grave. Voilà, tant mieux. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, bon, voilà, c'est bon, j'ai fini. Non, non, mais faut passer au parole, delà, quoi. Parole à MP, oui, voilà, mais c'était juste mon avis personnel. J'aurais préféré voir, sans savoir que c'est Jeff Hardy qui a gagné, je m'en... Ça, à la limite, je m'en... Bon, mais rapidement, attends. Athena, mais... Non, mais Tanasri, par exemple, allez, il te claque 4 buts contre l'équipe de France. Non, mais à la comparaison, parce que justement, c'est un mec qui fait une connerie, et puis voilà. Qu'est-ce que ça te ferait, par exemple? Et t'en aurais encore après Nasri, même s'il marque 4 buts. Moi, je trouve qu'il a eu raison de dire ferme ta gueule aux journalistes. Bon, voilà. Donc, tu te contredis. Tu soutiens un mec qui a fait le connard devant les caméras. Et bon, enfin, bon, ça, c'est à part. Oui, non, ça a surtout rien à voir, quoi. Allez, je sais, tu dérives, mais enfin, bon. Je trouve que c'est ton manque de logique de t'acharner sur. Certes, il a fait une énorme faute, mais. C'est loin par la PG, donc on va parler de cette finale de Bound for Glory Series et je vais donner la parole à MP. Bon, finalement, pour parler un peu de lutte, pas de foot. Donc oui, parler de cette finale de Bound for Glory Series entre Bully Ray et Jeff Hardy, qui a été pour moi quand même une bonne finale à ce show. Je dirais pas un des meilleurs matchs de soirée, ça serait faux. Parce que si on prend le match en lui-même, je trouve qu'il est quand même décevant. Mais je veux dire, c'est surtout pour moi dans ce match-là que ce qu'il faut regarder, c'est l'histoire qui a été développée à travers le show. Parce que quand même, le TNA, c'est plus une fédération d'histoire et non de catch pur comme la ROH, même s'il y a quand même des histoires qui sont développées. Ou par exemple, je sais pas, une fédé indie qui fait des shows aux 3 mois, ou qui a presque pas de storyline. C'est pas comme ça à TNA, c'est, il y a des histoires qui sont mises en jeu, comme celle-là avec Jeff Hardy, qui a été selon moi bien fait quand même. Et, ouais, ça jouait surtout sur l'histoire, l'émotion. Et, c'est pour ça que, du niveau technique, c'est pas super, justement. On voit plusieurs fois des finishers et tout. Bon, c'est un peu, j'ai envie de dire, je peux pas comparer ces deux matchs, mais en même temps, il y a des ressemblances entre ces deux matchs, entre, par exemple, Undertaker Triple H à WrestleMania 27, et ce match-là, avec plusieurs finishers, justement, qui, et je vais toujours défendre ces deux matchs parce que, justement, il y a l'histoire d'émotion, et c'est une chose qui, vraiment investit les gens dans les matchs, et c'est justement une bonne façon de, comment je peux dire, d'investir des gens, oui, mais de, par exemple, si tu fais un match indie avec juste des moves et tout ça, des moves de fou, ça pourra jamais, égaler une bonne histoire dans un ring, comme par exemple un Triple H contre Undertaker cette année à WrestleMania, qui est une histoire de fou, qui est très bien développée, qui a une telle histoire dans le ring avec Shawn Michaels comme arbitre, avec son passé avec The Undertaker. Donc ça, c'est toujours un point positif. Et justement, même si je compare pas les deux histoires, parce qu'ils n'ont absolument pas la même portée, il y en a une qui s'est développée dans une soirée, celle avec Jeff Hardy, et c'est là que Triple H et The Undertaker s'est développé sur plusieurs mois, même années. Donc voilà, c'est pas la même chose, mais ça reste quand même un match qui a une histoire qui est plaisante à suivre et tout. Donc voilà, c'est un beau match pour moi pour finir par vous couronner la victoire de Jeff Hardy des Bound for Glory Series. Ah, moi, j'ai vraiment pas aimé le combat. Hein. Pour moi, il est beaucoup trop overbooké. J'annonce seulement, tu vois, Jeff Hardy qui vient dans le combat. Alors qu'il s'est fait attaquer plutôt par Season 8. Déjà, on peut se demander comment il fait pour gagner ce combat. Si en plus, je t'ajoute au fait qu'il arrive à se dégager de 2 prises de finition de Bully Ray, le Bully Cutter, 2 fois il se dégage de la prise. En plus, dans ce combat, il fait 3 fois le Swanton Bomb et 4 fois le Twist of Fate. Donc, c'est vraiment trop overbooké ce match pour moi. Mais je, d'un côté plus positif quand même, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse surprise pour moi cette victoire de Hardy. J'avais misé un petit peu sur tout le monde sauf sur lui. Et donc, ça fait du bien de voir de temps en temps des grosses surprises comme celle-là. Après, je n'ai pas aimé aussi le truc Hulk Hogan qui arrive. Bon, Jeff Hardy est blessé, il s'est fait attaquer. Ça te dirait pas de faire le match à Impact dans 4 jours? Attends, non, mais la finale, c'est Anders Lander, c'est pas Impact, quoi, parce que c'est Jeff Hardy qu'on va repousser le truc, quoi. Ça aurait été Ruby E, et le mec, il aurait pas attendu après Ruby E, quoi. Ouais, ouais, non, c'est plus ça, ouais, effectivement. Mais après, je suis d'accord avec Sébastien, il y a trop de finishers, et c'est trop overbooké. En ce qui est concerne... Ah oui. J'ai pas trop aimé ce match, enfin, ça va encore, hein, c'est regardable, hein. En ce qui concerne la victoire de Jeff Hardy, je comprends, au niveau... comment marketing du match. Après, ça peut donner un bon match, forcément, il y a Austin Aries dedans, mais... je sais pas, James Storm, ça coulait trop de sources. Vous lirez, ça sortait peut-être un petit peu trop de nulle part. Samoa Joe, pareil, même si pour moi, Samoa Joe devait remporter le tournoi, je pense que Jeff Hardy, c'est peut-être la meilleure décision, entre guillemets. Même si j'aurais préféré ça à Samoa Joe. Ah oui, non, mais ça, de toute façon, dès le départ, c'est vrai que... Bon, je me rappelle, ça a duré combien, ce feuilleton? C'est vrai que c'était un feuilleton qui a quand même animé la majorité des shows d'Impact, Bound for Glory Series. Je me rappelle, d'ailleurs, on avait suivi un live, je crois qu'il y avait MP. Non, c'est vrai que... Vincent, tu ne suis pas, il me semble. Moi, je devais être sur Skype, mais je n'ai pas regardé. Quoi. Ah oui, voilà, oui, sur Skype, ouais, mais avec MP, on regardait. Et puis, c'est vrai que le build-up de Bound for Glory Series, il est vraiment très bon. Hein. C'est la fin, la toute fin. Ils ont, dans le booking des matchs, ils ont laissé à désirer. C'est vraiment dommage, parce que sinon, le build-up est vraiment excellent. Hein. Il y a pas... Ça commence, ils ont la bonne idée de démarrer par une bataille royale, et puis on voit un gauntlet match plutôt, et on voit au fur et à mesure les rentrants, et puis c'était super, quoi, parce qu'on voyait que vraiment, bon, mis à part 2-3 qui faisaient un peu tâche par rapport aux autres, il y a quand même des têtes d'affiche, donc ça va bien. C'est vrai, comme tu le dis, MP là sur le chat, en comparaison à la dernière, il n'y a pas photo, quoi. Surtout que là, ils ont eu la bonne idée, entre guillemets, de virer déjà ceux qui servaient à rien sur blessure, comme Dinero ou autre. Donc, et Roby, de le faire très peu catcher Impact et de le faire catcher quasi tous ses matchs de Bound for Glory Series, soit dans les autres shows, soit Explosion. Non, c'était bien organisé, c'est juste la fin. Ok, laisse sur la fin, justement. Bon, messieurs, est-ce que vous voulez passer aux notes? Ouais, je pense, oui. Oui, bah écoute. Alors, je vais prendre la note. Alors, moi, je noterai pas le pay-per-view parce que je l'ai pas vu. Hein. Puis même par rapport aux résultats, je vais faire baisser la moyenne, donc je vais rien dire. Sébastien, ta note? Depuis le mois de mai, les pay-per-views de la TNA sont très bons, voire excellents. Mais celui-là est vraiment, vraiment mauvais par rapport aux autres, et donc je ne mets pas la moyenne d'office et je descendrai même à un petit 4. MP. Et quand même, 4 c'est très sévère quand même pour un pay-per-view qui a fourni quand même plusieurs bons matchs. Déjà, on passe au match Tech Team, même si ce n'était pas vraiment un match Harris contre le mec des Season 8, c'était aussi bon. Tu avais aussi l'X-Division Championship qui était pas mal non plus. Voilà, c'est même le match de Bound for Glory Series, même si plusieurs ne sont pas d'accord avec les finishes, on a des matchs d'une certaine qualité. Donc moi, je mets un 7.5. Ce sera pas un grand show, pas un show qui va rester dans l'histoire, à part la fin de Bound for Glory Series, mais je veux dire, c'est un match quand même un peu perdu de bonne qualité, entouré de bons matchs. Donc pour moi, ça mérite cette note. Voilà. Tu peux répéter ta note, s'il te plaît? 7.5. Merci. Brusty. Bon, moi, je vais pas être aussi sévère que ça, mine de rien, même si je vais pas mettre la moyenne, je vais mettre 4,5. Pas si sévère, parce que je considère quand même que le booking a été défaillant sur plusieurs matchs. Et que le build-up des matchs, bon, c'est pas la cause non plus, remarquez, c'est pas sur ça qu'on note un peu perdu, certes, mais le build-up des matchs est mauvais. Et les matchs, ils m'ont pas emballé plus que ça. À part un ou deux, ils m'ont souvent laissé sur la fin dans leur contenu, donc 4,5, et puis je pas trop mal, mine de rien, comme matin. D'accord. Et Vincent? Moi, je vais rejoindre Brusty et Sébastien en disant que je ne peux pas mettre la moyenne d'un Super View, sachant qu'il a été, au niveau de l'organisation des matchs, c'est pourri, quoi, quand on organise la carte la veille, enfin la semaine précédant le show, Voilà quoi. Surtout quand puis quand tu ne défends pas la ceinture poids lourd à un mois de ton WrestleMania, je trouve ça pas très logique non plus. Puis bon, l'ensemble des matchs au niveau de la qualité, c'est assez moyen, à part le match par équipe qui était vraiment bon. Et puis les matchs, les demi-finales qui étaient pas si mal, le reste est assez mauvais. Donc je mettrais un 4. Alors, oh putain. Alors la moyenne est simple, c'est 5, messieurs. Ah bah tout juste la moyenne grâce à MP. Merci. Ouais, merci MP. La TNA va t'envoyer une lettre de remerciement pour avoir fait cette interview et être un 5 sur 10. Ben oui, parce que si on peut expliquer nos notes encore, je veux dire, par rapport à MP, enfin, bon, après, t'as choisi de mettre 7,5 parce que tu l'as préféré, mais en même temps, justement, comme il dit Sébastien, c'est quand on compare au précédent pay-per-view, on peut pas mettre autant. Parce que moi, je me rappelle, j'avais dû mettre 7,5, 8,5 sur le précédent. Je suis obligé de mettre bien en dessous, parce que je me suis fait nettement chier, quoi. Moi, j'avais plus l'impression, au sortir de ce pay-per-view, d'avoir vu un impact de 3 heures. Donc, c'est plutôt décevant. Oula. Il faudrait pas qu'ils y arrivent à faire ça d'ailleurs, déjà que les roues. On en reparlera tiens, d'ailleurs des roues de 3 heures dans le prochain Sunday Night Wrestle. Messieurs, donc on va parler de. Donc de Bully Ray de Devon, ouais, des petites brèves de Bully Ray de Devon et des Knockout. Ouais, voilà, oui. Donc Bully Ray et Devon, mine de rien, depuis 1996, ils ont fait toute leur carrière côte à côte. Ils ont créé la Freddy Academy, donc ils font pas mal de catcheurs, dont certains passent prioritairement à la TNA, même s'il n'y en a plus beaucoup. Il y en a eu à une époque il n'y a pas longtemps, comme Jesse Neal par exemple. D'ailleurs, Bully Ray à l'époque se faisait appeler Bubba Ray Dudley. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu une variation de nom de son côté, oui. Un peu moins du côté de Devon, même s'il y a eu le D plus loin, Von aussi. Bon, voilà. Donc, c'est à noter que depuis le 28 août 2012, même s'ils continuent à diriger donc, leur école ensemble, il n'y a pas de problème. Bah, pour la première fois, ils ne sont plus dans la même fédération. Donc, comme les discussions avec Bully Ray in extremis, elles ont abouti et qu'il a signé. Alors, apparemment, ça n'a pas été confirmé officiellement. Celle-là, TNA a beaucoup de mal à communiquer sur ce genre de choses. Mais il aurait signé pour 2 ans. Donc, avec donc un rôle toujours de pareil, on va dire. Mais il avait aussi, il me semble, déjà un rôle d'agent en coulisses. Et c'est un rôle qui va se renforcer aussi. Donc, en fait, son Al Snow et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Zillow Brown, voilà. Donc ouais, ça renforce quand même un côté de taulier de Bully Ray. Par contre, Devon, bah lui, les discussions sont malheureusement, enfin pour lui, on va dire, enfin pour la ceinture télévision aussi, c'est pas arrivé au bout. Donc il est officiellement sans fédération et du coup, il porte le t-shirt de la WWE et puis il dit bon, on retourne à la WWE, tout le monde en rêve, surtout quand on est un ancien, donc on veut y revenir. Donc voilà. Mais ce qui fait que il n'y a rien eu, le titre télévision il s'est évaporé dans l'espace, ça me sent quand même dingue ça. Je sais pas comment ils vont faire avec ça, il va falloir peut-être un peu s'en charger, je sais pas. Ouais, à mon avis, s'ils font venir, ça. Ils peuvent peut-être le faire revenir pour un soir et lui faire part de titre. Ça va être dur quand même, parce qu'il faut savoir que Hulk Hogan, il a bien allumé aussi. Donc à partir du moment où celui qui est reine... Ils peuvent aussi mettre la ceinture vacante et puis dire qu'il est parti, puis voilà. Ouais, ça va être ça, mais quand, il va falloir un peu s'y remettre. Mais après... Il apparaît toujours sur le site de la TNA. Non mais... Tu nous écoutes pas. Hein. Donc, tout à l'heure, on a dit que sur le site de la TNA, il y avait encore Ric Flair. Donc, Ah oui, c'est vrai. Et non, mais après, si Devon retourne à la WWE, je le vois mal là-bas. Enfin, autant Bully Ray, je trouve qu'en heel, il pourrait être pas mal. Mais Devon, je le trouve assez fade quand même. Enfin, même s'il peut donner de bons matchs. Hein. Mais, en plus, sa dernière image de Devon, ça aurait été un bon match. Ouais, en plus. Contre Kazarian à Hardcore Justice, c'était pas mal ça. C'est couillon. Hein. Pile au moment où il donne son meilleur match en solo, presque, et voilà. Ouais. Son dernier. Non, mais après, la TNA, j'ai envie de dire, la ceinture télévision, ils n'en ont jamais rien à foutre. C'est là pour caser les mecs en bas de carte. Donc, c'est moyennement un problème. C'est plus un problème que Devon, c'est le coprésident de son école, là, avec Bully Ray. Et ils fournissent pas mal de catchers à TNA, comme par exemple Sam Shaw, récent. Gagnant du gut check, c'est un élève de leur école, donc Après, je pense que leur accord avec Athéna sera pas brisé, mais oui, Gus, c'est bien. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait tomber une bouteille d'eau. T'as vraiment envie que je te clash, hein? Non seulement. Non, j'ai même pas fait exprès en plus. Ouais, c'est ça. Enfin bref, non, je pense que Divonne ferait mieux rester à l'Athéna. Après, c'est sûr que si c'est pour rester en bas de carte et apparaître une fois tous les 3 mois, c'est pas vraiment intéressant, quoi. Et news de dernière seconde, je viens de tomber sur une info comme quoi Divonne serait en discussion pour prolonger son contrat à TNA. D'après ses paroles sur le Monday Night Mayhem Radio. Ah oui, j'ai vu ça. Mais il a dit ça, je peux aller à TNA comme à WWE. Ouais, il a dit qu'ils n'ont pas réussi à finir les négociations avant la date de la fin de son contrat. Ah, mais il est clairement en position d'agent libre qui négocie, oui. Comme quoi, c'est pas impossible qu'il retourne donc à TNA. Ouais, mais enfin, c'est un peu symptomatique d'une gestion bizarre parfois, où même un champion, voilà, qui est censé, selon les règles d'Hulk Hogan, apparaître toutes les semaines, que les négociations soient allées jusqu'au bout, qu'elles aient à choper, et qu'ils soient en train d'essayer de rattraper. Je trouve assez incroyable. Enfin, une gestion du roster qui me dépasse parfois. C'est comme Daniels, que dès que Hogan est arrivé au pouvoir, Daniels a été renvoyé et il a été récupéré un mois et demi après. Donc on voit la gestion. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont changé justement par rapport aux gestions de Daniels et Samoa Joe. Par rapport, je trouve, depuis l'arrivée de Lagana, il y a beaucoup de mecs anciens de la TNA qui sont un peu remontés, mine de rien. Oui, MP qui voulait parler d'Yvonne. Je crois qu'il a rien à dire sur ce sujet, comme il le dit. Ah merde, aucun truc, pardon. Oula, je suis fatigué, je croyais que j'ai encore un truc à dire. Bon, voilà. Bon alors, on peut passer à un autre sujet, ou à part si Vincent... Ouais, on knockout. On peut passer au knockout, ouais, et après on pourra terminer. Ah oui, non, passer knockout, moi, il y a un truc qui m'a complètement fou. Il y a quand même deux ceintures. Il y a quand même et encore le titre par équipe, alors cela. Il y a un moment quand t'as plus que 5-6 catcheuses dans le roster, tu le dégages ce titre. Hein. Et le pire, c'est que le titre par équipe est détenu également par un homme. Hein. C'est ça le pire. Ouais. Ah oui, non, c'est vrai. En plus, tout le monde s'en fout. Alors, hein. Moi, je savais même plus. C'est déjà qui est champion par équipe des... Eric Young et Odibi. Ah oui, putain. Olivier Desbenois et... Ah oui, mais il n'y a plus d'équipe. Et ils ont viré tout ça. Il y a une époque, il y avait des équipes. Hein, mais alors... Et puis en nombre, il y a les pigeons, Taz évidemment, il nous fait une dépression, hein, vu que les pigeons ils sont vraiment partis. Hein. Le Sky, voilà, du jour au lendemain, symptomatique, hein, je sais pas, encore une histoire de contrat qui n'a pas pu être négociée à temps. Elle est partie, pourtant Dixie Carter veut qu'elle revienne, bon, il y a des trucs comme ça. Alors Winter, bon, ça c'est pas une peine, remarque, elle est partie aussi. Angelina Love repartie, voilà, comme ça. Bon, Mickey James, c'est qui fait un peu par-ci par-là. Et puis le cas Sarita et Rosita, ça, on sait pas, un coup elles sont plus là, un coup elles sont là. Truc particulier. Bon, ils se sont juste contentés de mettre quelqu'un hyper en avant ces derniers temps. C'est Taryn Terrell, c'est-à-dire Tiffany à la WWE. Ça, c'est pour mettre une arbitre qui n'est pas très très habillée et pour bénéficier de plans aériens vers quelque chose, si vous voyez de quoi je veux dire. Quoi. Il y a du monde au balcon. MP voilà. Dit qu'ils ont Tiffany, Madison, Gail Kim, Tara, Mickey James et Tessmacher. Ouais, enfin, problème, c'est que tu vois que Tara et Tessmacher. Enfin, puis Tiffany parce qu'elle est arbitre. J'ai envie de dire, comme roster, surtout que Gail, elle a eu un règne de presque un an. Mickey, elle était championne assez longtemps. Donc, en termes de renouvellement, c'est pas terrible, quoi. Oui, il y a ODB aussi. C'est ça. Mais ouais, après, voilà, comme dit Boussy, il y a trois ceintures en tout. Et voilà, quoi. Enfin, puis, comment là, veux-tu que les autres, enfin, les Winter, Vetsky, etc., soient heureuses à la TNA, sachant qu'elles font un match tous les 3 mois, quand c'est pas explosion. Eh oui, déjà c'est un problème à WWE, là c'est un problème à la TNA. Comme quoi, il y a quand même une crise du catch féminin, mine de rien. Hein. On n'aurait vers pas, on serait parti pour un débat de 20 minutes, je pense, mais il y a vraiment un souci. Mais c'est assez symptomatique, c'est vrai que dès l'arrivée d'Hulk Hogan, je me souviens déjà des mots de Hulk Hogan et des mots de Verpa, qui disait que Hulk Hogan, c'est vraiment pas un fan du catch féminin. Bizarrement, hein, c'est quand même depuis qu'il est là que il y a eu déjà d'entrée, il y a eu Kong qui est parti, et puis au fur et à mesure, il y a bien eu le retour de Gail Kim, mais au fur et à mesure, ça a plongé toujours plus, quoi. Ça, je veux bien le croire, hein, parce que quand il nomine Brooke Hogan en tant que dirigeante féminine, c'est vrai que c'est pas un cadeau pour la division féminine. Oui, voilà, bah, pour faire joli, tellement il aime pas le catch féminin, il préfère imposer sa fille, qu'on voit beaucoup plus que la grande majorité des knockouts restantes, quoi, qui sont presque, au nombre qu'elles sont, elles pourront bientôt faire plus qu'une belote, quoi. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'on a une époque où quand même le pas si lointaine où le match knockout c'était quand même celui qui apportait le plus d'audimat dans un show impact, hein. Et du jour au lendemain ça a disparu, ça, pas l'audimat d'un match knockout, le match knockout, pardon. C'est assez symptomatique, ouais, de la santé du catch féminin dans les grosses fédérations, malheureusement. Oui, alors messieurs, je pense qu'on a tout dit, ça y est. Ben non, non. Disons que juste on connaît le main event de Bound for Glory, mine de rien, qui aura lieu le 14 octobre prochain à Phoenix. Évidemment qu'on le connaît, vu que le vainqueur de Bound for Glory Series affronte automatiquement le mec qui gagne le Royal Rumble, quoi. Il affronte le champion. Donc on aura Jeff Hardy contre Austin Harris. Pour la première fois de l'histoire, je crois. Oui, voilà, ben, c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure. De ce côté-là, la victoire de Jeff Hardy était ultra logique, parce que la TNA veut quelque chose de vendeur, de quelque chose qui oppose d'ailleurs les smarts, hein, en quelque sorte, aux autres. Donc pour eux, c'est le truc parfait, évidemment. Ouais. Mais voilà, j'attends vos réactions. Oui, oui. Monsieur. Non, moi c'est bon, je crois que j'ai tout dit personnellement de mon avis sur ce match. Donc bon, après, si Jeff Hardy confirme les dispositions qu'il a ces dernières semaines, honnêtement, et puis Austin Harris qui est quand même celui qui avec LJ Styles, Samoa Joe, on va dire, et Daniels dans la fédération, ce sont ceux qui ne font jamais un mauvais match. Donc à partir de là, main event doit normalement assurer, quoi. On verra dans un. D'ailleurs, j'ai une petite question. Impact Wrestling devait être en live tout l'été. On est le 13 septembre. L'été est presque. Ah tout. Oui, bah ça. Alors ça, bah, je sais pas. L'info aurait dû être donnée, peut-être. Je sais pas, au précédent Impact Wrestling, j'étais pas là. Mais Dixie Carter a dit, oh, bah, puisque ça marche, on va laisser jusqu'à une durée indéterminée. On verra. Ah ok. Apparemment, c'est jusqu'à Bound for Glory. Et après, il se laisse le temps de la réflexion. Ouais, parce que c'est vrai que quand même. L'été ça a super bien marché, mais ces derniers temps c'est un peu plus difficile. En même temps, j'ai envie de dire, les choses se ressemblent en ce moment avec Aces and the Knights. C'est ça le problème. Peut-être qu'il dis des S de 8, mec, si tu galères. Non, Aces and Knights. C'est vrai qu'il est meilleur que moi. Bon, attends, pas dur. Ah, d'ailleurs, hein. Rapidement, là, Vincent, vu qu'on va pas tarder à rebondir vers les partenaires, il y a un match qui sera dans l'instant cash là de ce pay-per-view. Non. Parce match d'impact, parce qu'impact dernièrement il y a eu deux gros matchs. Oui, mais par exemple, impact il y a deux semaines pour Bound for Glory Series, Samoa Joe contre AJ Styles, je le conseille. Oui, mais pas, il sera pas dans l'instant catch. Ah bah tant pis, ça prive de la qualité. Une prochaine fois peut-être. Allez, donc voilà, on va passer à notre liste des partenaires. Alors, tu vas rien oublier. Évidemment, oui, non, je vais rien oublier. Enfin, j'espère ne rien oublier. Si on vous a oublié, envoyez-nous un mail à l'adresse mailressasradio@gmail.com. Là, on va citer VoxCatch, bien évidemment, les cahiers du catch, Twitter, Facebook, Skype. Même si c'est rien d'officiel, on peut dire Skype parce qu'on utilise Skype. Qu'est-ce qu'on a d'autre, messieurs? La Wrestling Evolution League, MCatch qui doit. Je sais pas si ça va reprendre maintenant. Parce que ça a été. Non, ça s'arrête pour l'été, quoi. Oui. Mais attends, je sais plus. Là, t'as cité le truc de Vincent ou pas? Parce que d'un fois, c'est catch, oui, effectivement. Ah ouais. J'avais déjà cité tout à l'heure. Ouais. Évidemment, on le cite Wessels, mine de rien, quand même. Oui, Wessels. Alors, si vous voulez nous rejoindre, bien évidemment, pour débattre avec nous à l'écrit, c'est très simple. On a le forum pour ça. C'est www.wessels.fr. On vous attend, venez nombreux. Et évidemment, vous avez aussi sur Facebook, la d'autant page. Que c'est très bien actualisé la page. Vous avez les nouvelles pour réagir. D'ailleurs, vous réagissez très bien, ma foi. Vous réagissez très bien, alors c'est très sympathique à vous, on vous remercie. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec ce qui s'est passé pour Jerry Lawler, on va essayer de mettre à jour un peu son état de santé. Dès qu'on a quelque chose sous la main, on vous mettra quelque chose que... comme quoi il va bien ou comme quoi ben, ça va pas quoi. On oui, espère quand même pas vous donner de nouvelles. Non, mais c'est sûr, quand même la bonne voie, faut être honnête. Les toutes dernières news, quand même, c'est qu'il marche normalement et que même son fils, quand même en fou, lui, il a carrément évoqué un retour sur ring prochain. Ouais, mais... Rapide, c'est quand même en fou. Ça. D'abord, faut quand même qu'il rentre chez lui, qu'il se repose. Hein. C'est D'ailleurs, parlant de. Oh, alors, bien évidemment, le Sunday Night Wrestle sera dédié à Jerry Lawler parce que bon, j'ai envie et qu'il le mérite. Et que vous vite fait reparler de la page Facebook, vous êtes 241 actuellement, c'est bien, mais il nous faudrait un petit peu plus de monde, s'il vous plaît, ce serait gentil. Alors n'hésitez pas à faire tourner la page Facebook. Et 250, ah, on ouais. peut là, je oui, crois moi. 250 oui, dans l'année, là, ouais, même ouais. dans le mois. Hein. À mon avis, ah, ouais. on aura atteint 250. Allez, à noter que d'ici la semaine prochaine, il y aura peut-être quelques messages qui pourront être cités, si on jamais. Oui, alors. Bon, je sais pas si certains d'entre vous vont regarder le pay-per-view WWE Night of Champions qui aura lieu donc qui a eu lieu dimanche dernier. Je sais pas quand est-ce qu'on va sortir le numéro, donc soit ça sort dimanche, soit après, donc qui va avoir lieu là bientôt. Alors n'hésitez pas à poster vos réactions sur le pay-per-view. On essaiera d'en citer quelques-uns, pas tous, parce que si on en reçoit beaucoup trop, on va pas pouvoir tout faire, mais si on a une ou deux réactions sur le pay-per-view, ça serait sympathique de votre part, et puis ça vous permettra, en plus de ça, de pouvoir participer indirectement au podcast. Ouais, voilà. Et je sais pas si t'as des gus, mais j'ai peut-être loupé, mais donc maintenant, vous pouvez écouter le podcast sur YouTube, archive.org et iTunes. Oui, c'est vrai que maintenant on est sur YouTube, alors n'hésitez pas à venir nous écouter nombreux sur YouTube. Voilà. Et notre Twitter, bon, rapidement, je crois que tu connais. C'est Spartagus, Sébastien, c'est RicaLewis67, Boussy, c'est Phililand, MP, c'est WR, Maxime Poulain, et Vincent, c'est Vincent Voitio. C'est inverse. Voitio, Vincent. Ouais, voilà. Attention, parce que je me suis fait piéger plusieurs fois avec ça. Car même ceux qui ne sont pas là, mais que vous allez retrouver la semaine prochaine, El Tifo, Verfadoro, même si je suis pas très actif sur Twitter. Verfadoro, un peu comme 40... Sébastien en fait. Verfadoro 44 pour être précis. Exactement. Est-ce que je voulais et Kevin Colloc. Kevin Colloc. Le meilleur patron. Coucou Kevin. Et Ben Messier aussi, je crois qu'il sera là. Et alors Ben normalement devrait être de retour pour le prochain podcast WWE. Voilà, numéro de Kazoo peut-être, attention. Peut-être, oui. Bon, allez, messieurs, on va pouvoir se quitter là-dessus avec le thème de No Surrender, hein, tout simplement. Ou Annie Cordy. Ah, tu l'aimes finalement. Ah, ta yo-yo. Non, j'ai dit c'était Gus avec Pokémon à la fin. Ah oui, c'est vrai, bon. C'est vrai, oui. Mon Dieu. Moi, j'avais chanté aussi, mais bon, ce sera pour un numéro spécial. Je me fais humilier par ma propre équipe. Normal. Allez, ciao tout le monde, bisous. Ciao. Pourquoi je dis bisous? Il mérite pas de bisous. C'est un affectif. Hein. Il mérite c'est pas mignon. De bisous. J'en ai la larme à l'œil. Allez, ciao tout le monde. Arrêtez-le. We'll be right back.